الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue ce livret de l'imam al-Barbahari رحمه الله تعالى avec les explications de Dr. Sheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى. Il dit l'auteur al-Barbahari رحمه الله عليه قال المؤلف رحمه الله فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Traduction rapprochée, il dit crains Allah, serviteur d'Allah, et crois fermement et soumets-toi et accepte ce qu'il y a dans ce livre-là et ne cache rien. Ne cache rien à un adepte de la Qibla, c'est-à-dire un musulman. Car il se peut qu'à travers ce livre-là, tu ramènes quelqu'un qui est hayran, quelqu'un qui est stupéfait, il ne sait pas où donner de la tête, ou bien un innovateur qui revient de son innovation, ou un égaré qui revient de son égarement, Allah va le guider à travers cela. Donc crains Allah et rattache-toi au premier élément, c'est-à-dire l'amr al-awwal al-atiq, c'est-à-dire la religion du messager et de ses compagnons. Et c'est ce que je t'ai caractérisé dans ce livre-là, qu'Allah fasse miséricorde à une créature, qu'il fasse miséricorde à un serviteur, qu'il fasse miséricorde à ses parents, qui a transmis qara hadha al-kitab, qui a lu ce livre-là, wa bathahu al-bath, c'est-à-dire le transmettre, le propager entre les gens, qui l'a mis en application, qui a appelé à cela et qui l'a utilisé comme argument, car c'est la religion d'Allah et la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Explication de ces paroles, il dit Cheikh al-Fawzan faqahullah qawluhu fattaqillaha ya abdallah wa alayka bit-tasdiq wa at-taslim. Donc crains Allah, serviteur d'Allah, et crois fermement à ce livre-là et soumets-toi. عليك بالتصديق ولا لا تكذب شيئا مما ذكر في هذا الكتاب. Crois fermement ce qu'il y a dans ce livre là. Il parle de son livre à lui. رحمه الله وغفر له. Et ne dément rien de ce qu'il y a dans ce livre. لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة. Les informations qui sont contenues dans ce livre là, elles émanent du Coran et de la Sunna. فعليك بالتسليم به وعدم التردد في الأخذ به. Soumets-toi à cela et ne sois pas hésitant à son sujet. والاتباع وعدم التكاسل. C'est-à-dire suis et ne sois pas paresseux. قوله, l'auteur dit, والتفويض, عليك بالتصديق والتسليم والتفويض. يعني لا تحدث شيئا من عندك. Il dit, c'est-à-dire, n'invente rien de ta part. La religion, elle est complète, ne ramène rien de ta propre personne. وليس التفويض الذي عليه المفوض في الصفات. Ici, التفويض, الشيخ الفوزان, فقه الله, il dit, il ne faut pas prendre le sens de التفويض comme dans الصفات. C'est-à-dire, c'est quoi tafouid dans ces fêtes? Est-ce que Ahl al-Sunnah, ils font tafouid dans ces fêtes ou ils font pas? Ouais, dans un sens. Dans quoi? Tafouid de... Je m'en ai à tafouid déjà. Kayf, tafouid. Ah ouais. Ahl al-Sunnah, ils font tafouid dans le kayf. C'est-à-dire que Ahl al-Sunnah, ils disent qu'Allah, il a l'ilm, par exemple. On sait, c'est quoi l'ilm? Allah, il est savant de toutes choses, il connaît toutes choses. Le comment de la science d'Allah, on ne connaît pas. Comment Allah il a des mains, on ne connaît pas. Mais on ne fait pas de tafouid fil ma'na. Ahl al-Bid'a, ils font tafouid fil ma'na. C'est-à-dire, ils disent que Allah il a deux mains. Ahl al-Sunnah, ils disent Allah il a deux mains. Ce sont deux mains qui sont réelles, qui sont effectives, qui sont réelles. Ce n'est pas à prendre dans un sens figuré. Mais comment les mains d'Allah sont, fait tafouid. Allahu alim. On ne sait pas, on ne se prononce pas là-dessus. Donc il dit, Cheikh ici, que tafouid ici, l'auteur quand il parle de tafouid ici, il ne parle pas de la même terminologie qu'il y a dans l'asma al-sifat, mais ici il parle du fait de ne pas ramener des choses de ta propre part, de ne pas innover dans la religion. Il faut être satisfait, agréer ce qu'il y a dans ce livre. De ce qu'il y a, de ce qu'il contient comme fondement des gens de la sunna du consensus. Il dit tout ceci, ce n'est pas d'éloge qu'il fait à son livre. Cheikh Fawzan, il dit, ce n'est pas des éloges qu'il fait à son livre, ou une tazkiya qu'il fait à son livre, l'imam al-Barbahari. Comme certains explicateurs ont compris cela. إنما هو يحث على الأخذ بما ذكر بما ذكره فيه. Mais il incite les gens à prendre de ce qu'il a cité dans son livre là. يحثك على أن تأخذ مما ذكره فيه من الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة. Donc, il incite à ce que tu prennes de ce qu'il y a dans ce livre comme fondement qui sont conformes au Coran et à la Sunna. لأنه لم يأتي بشيء من عنده أو يبتكر شيئا من عنده أبدا. Pourquoi? Parce que l'auteur n'a rien ramené de lui-même. Il a ramené à chaque fois tout ce qu'il dit, c'est rattaché au texte, c'est rattaché à des preuves. قوله ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. يعني انشر هذا الكتاب ووزعه على أهل القبلة. C'est-à-dire, ne cache pas ce livre, mais propage-le et distribue-le, propage-le, répands-le. على أهل القبلة يعني على المسلمين ينتفع به. أهل القبلة, les adeptes de la Qibla, c'est les musulmans, c'est ceux qui se tournent vers la Kaaba pour faire la prière. نعم. لأن هذا من نشر العلم النافع ومن التواصي بالحق. Tout ça, ça revient à propager la science profitable et à recommander la vérité. وهكذا يجب أن تنشر الكتب النافعة المفيدة. Et c'est ainsi qu'il faut agir avec les livres qui sont profitables. Et pas les livres qui sont nuisibles, les livres qui sont profitables pour les gens qui contiennent des profits. Il faut les propager pour que les gens s'instruisent. Voilà si yamal kutubu al-asila. Surtout les livres qui traitent des fondements de l'aqida, de l'iman, etc. Les fondements de l'islam. Wa kullama taqadama al-kitabu fa huwa aqrabu ila al-haqq. Kullama taqadama al-kitab, plus le livre il est ancien, plus le livre il est proche de l'époque du messager, mieux il sera. Comme il a dit Ibn Rajab rahimahullah, kutub al-salaf, كلامه كلام السلف قليل. Les paroles des salaf, elles sont courtes. Même vous trouvez dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des paroles courtes. Les paroles des prédécesseurs, elles sont courtes, mais al-fa'ida, elle est grande. Et كلام الخلف, les paroles des successeurs, ceux qui sont venus après, elles sont longues. Et le profit, il est petit. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, des fois, il n'y a pas de profit. Et des fois, il dit dar. Al-kalam dar. Il n'y a aucun profit dedans. C'est plus que ça, c'est nuisible. Donc, Cheikh, il dit plus. Kutub, elles sont anciens, les adeptes de la sunna bien sûr, parce que Rawaf et des soins à Paris aussi à l'époque, le Mu'tazila aussi à l'époque, le Jahmiya, etc. Donc plus le livre il est ancien, plus il sera prêt, proche de la vérité. لِأَنَّهُ يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ. Car il sera proche de l'époque antique, des premiers siècles, des premières générations, dans laquelle a vécu le messager sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, et les tabi'in, etc. قَوْلُهُ, l'auteur dit, فَعَسَى يرد الله به حيرانا عن حيرته. Il se peut que à travers cela, il manque une shadda sur le dal. يرد. Il se peut qu'à travers cela, Allah il ramène quelqu'un qui est stupéfait justement, il le ramène à la droiture. هذه فائدة نشر الكتب المفيدة أن الله قد يرد بها حيرانا من حيرته. Tu propages les livres de la sunna, il y a des gens qui sont stupéfaits, qui ne savent pas où donner de la tête, qui vont trouver réponse à leurs questions. أو ضالا عن ضلالته. Quelqu'un qui est égaré va revenir sur son égarement. لأن بعض الناس يكون جاهلا. Car certaines personnes sont tout simplement ignorantes. Les personnes, ils sont ولو بينا ولو بين له الحق لاتبعه. Si tu lui montres la vérité, il revient. Les savants, ils disent, les gens sont de deux catégories. صاحبو صاحب سؤنية وسؤ فهم. Quelqu'un qui a une mauvaise intention, tu peux rien faire pour lui. Tu vas lui montrer la vérité, il va rester sur son tort. Et quelqu'un qui a une mauvaise compréhension, si tu lui montres, si tu l'instruis, tu lui enseignes, inshallah, il va revenir à la vérité parce qu'il cherche la vérité. ولو بين له الحق لاتبعه. هذا هو الذي يستفيد من نشر الكتب. C'est celui-là qui va tirer profit de la propagation des livres. أما الزائر الذي يتبع هواه فهذا لن تفيده الكتب شيئا بل ربما تفتنه أكثر. الزائر الذي يتبع هواه, quelqu'un qui est dans la déviation, dans l'innovation, qui suit sa passion, il veut quelque chose et il cherche à le concrétiser, il ne cherche pas la vérité, celui-là, les livres ne lui seront pas profitables, بل ربما تفتنه أكثر. Peut-être même que ça va encore plus le brouiller. Comme a dit Cheikh al-Islam dans l'Wasiyya al-Sughra. L'Wasiyya al-Sughra, c'est quelqu'un qui est venu des pays du Maghreb. Il est allé voir Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il a fait un résumé de ce que lui a dit, il lui a demandé conseil sur un livre à lire. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah, lui a orienté vers Sahih al-Bukhari. Et il a dit dans sa réponse, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا تَزِيدُهُ كَثْرَةَ الْكُتُبِ إِلَّا حَيْرَةً وَضَلَالًا. Il y a des gens, plus il a de livres, plus il va être stupéfait, il va être perdu, il va s'égarer. Donc, quelqu'un qui a une bonne intention, tu lui donnes des livres, de la sunna, etc. Inch'Allah, il va prendre la voie de rectitude. Hayran, dans quel sens? Hayran est stupéfait. Hayra. C'est pas le ghafla. Là. C'est meftoum, comme l'a dit la femme. Hmm? Quelqu'un qui est troublé. Al-Hayra, c'est quelqu'un. Qui m'a dit le cha'r. Takatharat yadhiba'u ala khirashi, fala yadri khirashi ou ma yasidu. Tu vois? Et Wahdi, il voulait attraper des gazelles. Il y a plein de gazelles à droite à gauche. Il ne savait pas laquelle attraper. Rahoubukul, il n'a rien attrapé. Il n'a pas regardé une. Et il l'attrape, il va s'occuper d'elle. Oui, il a vu à droite, à gauche, il y en a plein. Hal'aini, rahoubukul. Et il n'a rien attrapé. Al-Qahtani, dans nos niais, dit Jamil Samana Kabis Sukuti fa innahu Zainul Halim wa Sitratul Hayrani. Il dit embellis ton temps en restant Sukut, yani la tatakallam. Fa innahu Zainul Halim. Quelqu'un qui posé, quelqu'un qui est raisonnable, il s'écoute, il n'y a rien à dire de profitable, il va se taire. Aussi, taratul hayrani, quelqu'un qui est hayrani, stupéfait, ignorant, il ne connaît rien, il va se taire. C'est pas parce qu'il sait, justement parce qu'il ne sait pas, mais d'où m'égoule. En même temps, c'est une beauté pour celui qui sait, il se tait, et c'est le moyen de se cacher pour quelqu'un qui est. Hidayatul hayara min al-yahoudi wa al-nasara, le livre d'Ibn al-Qayyim. La guidée pour les gens qui sont stupéfaits à propos des juifs et des chrétiens. Le kalam hada marra bina min qabl, on a déjà vu ce mot. Ça te dit rien? Oui, je vois pas, je voyais pas dans le sens de ce que. Al-an, fahmt? Oh, plus ou moins. طيب. قوله أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به. Tu peux donner l'exemple des gens qui te disent chaque groupe il prétend la sunna. Je sais pas suivre qui, tu vois. Hada yqul kitab as-sunna, hada yqul kitab as-sunna, tous ils disent les compagnons ils sont bien, moi je sais pas où donner de la tête. Tu vois? Un décis troublé. Non, voilà, un décis troublé, stupéfait. Donc il dit, au sahib bid'an bid'atih, quelqu'un qui est dans l'innovation, à travers ce livre-là ou d'autres livres de la sunna, il va revenir sur son innovation. Quelqu'un de l'égarement, il va revenir de son égarement. فَيَكُونُ لَكَ الْأَجْرُ فِي تَوْزِيعِ هَذَا الْكِتَابُ أَمْثَالِهِ. Donc tu es récompensé en propageant ce livre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hadith fait muslim, sahih muslim. الدال على الخير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Celui qui propage ou qui indique à quelqu'un un bien, il a la même récompense que ce bien là. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois ils disent je veux faire un acte, je veux l'offrir au prophète. Vous avez déjà dû lire cette question. Quelqu'un il veut faire l'umra, il veut faire un acte, et il dit j'offre la récompense au prophète. Les savants ils disent occupe-toi de toi, chaque acte que tu fais, le prophète il a la même récompense, c'est lui qui t'a montré de faire ça. Si c'est une sunna, bien sûr, c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à voir avec l'innovation, donc le péché, le fardeau, il sera sur toi. Mais n'importe quel acte que tu fais, donc il y a une preuve du Coran ou de la sunna, c'est qui t'a transmis le Coran et la sunna? C'est le prophète. Il a transmis aux compagnons, qui ont transmis aux autres, jusqu'à ce que c'est arrivé à notre époque. Donc, quelqu'un qui indique un bien, qui oriente un bien, il a la même récompense que cette personne-là. Donc il dit, « وَلَيْسَ خَاصًا بِهَذَا الْكِتَبْ كُلُّ الْكُتُبِ النَّافِعَ وَكُتُبِ الْعَقِيدَةِ بالذات. الشيخ يدي سي با كو سو ليفر لا تاع الامام البربهاري رحمه الله مي تو لي ليفر دو لا سنه اي سون بروفيتابل اي نوتامون لي ليفر دو لا كونفيكسيون لي ليفر كي تريت دو لا عقيده يجب ان تنشر اي فو لي بروباجي بور كو لي جان يل بيوريفي لور كونفيكسيون وتوزع على الناس بدلا ان يوزع عليهم كتب الضلال. لي ليفر دو لا سنه فو لي بروباجي انتر لي جان à la place des livres d'innovation et d'égarement. Wa kutubu da'wati ad-dhalal tuwazza'u 'alayhim hadhihi al-kutub. Ceux qui prêchent ou bien le prêche de l'innovation, de l'égarement, il faut remplacer par les livres de la sunna. Lianna kathira min an-nas 'ala jahlin law buyyana lahum al-haqq la qabiluhu wa intafa'u bihi. Il dit Cheikh Fawzan, wafaqahu Allah, beaucoup de gens sont ignorants. Ils savent pas, ils connaissent pas. Si on leur donne la vérité, ils l'apprendront et ils l'accepteront. قوله فاتق الله عليك بالامر الاول العتيق. L'auteur rahimahullah al-Barbahari dit donc crains Allah et attache-toi aux premières générations, attache-toi au premier, à la conviction, à la voie antique. Ay ilzam bil amr al awwal. Reste attaché à la voie antique. Wa huwa ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu wal qurun al mufaddala. Ce sur quoi était le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les premières générations. Al atiq yani al qadim. Wa hadha fihi al tahdhir mimma jadda min al shurur wal fitan. Donc il dit l'atiq c'est l'ancien. L'ancien, comme Allah dit dans le Coran, وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, en parlant de le Kaaba, qu'il tourne, circambule autour de la maison antique, en parlant de le Kaaba. Ici, l'atiq, l'amr al-atiq, la religion ancienne, c'est-à-dire la religion du messager et de ses compagnons. وَهَذَا فِيهِ التَّحْذِيرِ مِمَّا جَدَّ مِنَ الشُّرُورِ وَالْفِتَنِ. Il dit, il y a dans ces paroles-là la mise en garde quant au fait de, la mise en garde par rapport aux nouvelles choses qui apparaissent. Les choses mauvaises, les différentes tentations, les discordes, etc., qui sont apparues dans notre temps à nous, ou qui sont apparues par la suite, etc. فَإِذَا رَأَيْتَ الْإِخْتِلَافِ وَرَأَيْتَ كَثْرَةَ الْأَقْوَالِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْظُرَ لِمَا عَلِيهِ السَّلَفُ الصَّالِحِ وَتَمَسَّكْ بِهِ لِيَنَّهُ الْحَقِّ. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de paroles, ou bien qu'il y a des divergences, ou qu'il y a des paroles, celui-là il dit ça, et celui-ci il dit cela, etc., il dit reviens à la voie des pieux prédécesseurs et reste-y attaché car c'est ça la vérité. L'auteur rahimahullah dit et tout ça là, l'amr al-atiq, la voie de rectitude, la voie du messager des compagnons, c'est ce que je t'ai caractérisé dans ce livre là. Cheikh Fawzan wafaqahullah dit ay ma dhakarahu min usul i'tiqad ahli as-sunnah wal jamaa'ah wa basatahu rahimahullah wa wassa' fihi al-qawl. Donc il dit, c'est ce qu'il a évoqué dans ce livre-là, parmi les fondements de la sunna et de la jama'a, au basatahu, je m'en ai dit basatahu. C'est élargi. Non, c'est élargi. Rahimahullah, wassa'a, il a rendu cela vaste, il a détaillé, il a expliqué, etc. Qawluhu, l'auteur dit, farahimallahu abdan, wa rahima walidey, qara'a hadha al-kitab wa bathahu wa amila bihi wa da'a ilayh. Il dit, l'imam al-Barbahari, rahmatullahi alayh, qu'Allah fasse miséricorde à quelqu'un et ainsi qu'à ses parents qui a lu ce livre-là, qui l'a propagé, qui l'a mis en application, qui a appelé à lui. C'est-à-dire ce livre-là ou d'autres livres qui sont profitables. Les livres qui sont profitables, il faut les propager entre les gens et les répandre. Celui qui les propage, il aura la récompense de la propagation de la science. Et ça fait partie des actes qui restent après la mort de la personne. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Huraira, puis Sahih Muslim, et également la rapportée de Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, « Iza mat al-insan, inqata amalahu illa min thalath » Quand la personne elle meurt, ses actes s'arrêtent, si ce n'est au nombre de trois. Dans ce hadith, c'est cité trois, il y a d'autres choses encore. Et parmi les choses, « ilmun yuntafa'u bih » Une science que tu as laissée et que les gens tirent profit. Propage des livres, les gens ils vont se transmettre, il y en a un il va apprendre, il va transmettre à un autre, etc. Et toi tu as la récompense derrière. Il dit, tu vas faire sortir les gens de la ténèbre, des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière, vers la science, etc. Et la plupart des gens sont tombés dans des sectes, ou bien dans des groupes, ou bien dans l'égarement, car les livres de base, les livres qui traitent de la conviction saine et de la voie de rectitude ne leur sont pas parvenus. Mais c'est les livres des innovateurs qui leur sont parvenus. Et donc ils ont étudié ça. Les livres des innovateurs, les livres des sectes, etc. Donc ils ont emprunté ces chemins-là parce que c'est ça qui leur était parvenu. Et eux, ils pensent que c'est ça la vérité. فَلَوْ أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ الْأَصِيلَةِ يَعْتُنِيَ بِهَا وَوُزِّعَتْ عَلَى النَّاسِ لَهَدَ اللَّهُ بِهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. Donc si ces livres-là, on en prend soin, et on leur donne leur juste valeur, qu'on les propage au milieu des gens, ça va être profitable, et ça va guider, guider nombre de créatures d'Allah. بَعْضُ الشُّرَّاحِ يَنْقِمُونَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ وَيَقُولُونَ هَذِهِ تَزْكِيَةُ الْكِتَابِ. On a dit, ليس هذا تزكية لكتابه وإنما هو حث على لزوم منهج السلف المذكور في هذا الكتاب وفي غيره. الشيخ دي فوزان سلمه الله دي certains explicateurs de ce livre là il blâme l'imam al-Barbahari pour avoir dit que يعني celui qui prend ce livre là qui le propage et qui le répand qu'Allah fasse miséricorde. Oui, il reproche d'avoir dit cela en disant qu'il est en train de faire l'éloge de son livre en disant celui qui propage ce livre là et qui le met en application, qui prêche à lui, etc. qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à ses parents, etc. Le cheikh dit en vérité c'est juste une incitation quant au fait de rester ferme sur la voie des pieux prédécesseurs à travers ce livre là ou à travers autre. Ensuite il dit l'auteur rahmatullahi alayhi قال فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. L'auteur rahimahullah dit, traduction approchée, celui qui délaisse ce qu'il y a dans ce livre-là, ou bien qui entreprend quelque chose qu'il n'y a pas, autre qu'il y a dans ce livre-là, ne sera pas sur une religion de droiture. Et c'est comme s'il aura rejeté tout le livre, tout ce qu'il contient. Comme quelqu'un qui a cru à tout ce qu'Allah a dit, mais il a douté sur une lettre du Coran. C'est comme s'il a rejeté tout ce qu'Allah a dit. Et c'est un mécréant. Kama anna shahadat, tout comme le témoignage qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah, ne sera accepté de son auteur que s'il est, véridique dans son intention et qu'il est sincère dans sa certitude. Également, Allah n'acceptera pas quelque chose de quelqu'un qui prend une partie de la sunna qui délaisse une autre partie. Celui qui délaisse une partie de la sunna, c'est comme s'il a délaissé la sunna tout entière. Donc il faut accepter et délaisse le mumahala, c'est le jidal. Délaisse le débat ou la polémique. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Car cela ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et surtout à ton époque, qui est Zaman Sou, une époque mauvaise. A savoir que l'auteur, on a dit, il est mort en 329 de l'Hégire. Donc il parle déjà, il y a 11 siècles en arrière, il dit déjà Zaman Sou, une époque mauvaise. La Djaja, Cheikh, il va l'expliquer, Inch'Allah. Ils disent Al-Haqqu Ablaj, wal-Batilu Lajlaj. Al-Haqqu Ablaj, c'est-à-dire la vérité, elle est claire. Wal-Batilu Lajlaj, c'est-à-dire la vérité, elle est brouillée. Le tort il est brouillé, toujours du brouillard autour, toujours aidé au mort غير واضحة. المهم il dit الشرح قوله فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين أي من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون من أهل الضلال مع أهل الضلال. Il dit celui qui sort de la voie de rectitude, la voie des compagnons, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui délaisse la conviction qui est saine, qui est juste, celui qui sort de cette voie, il se retrouvera avec les adeptes de l'innovation, ma'a al-mubtadi'a, ma'a al-mu'tazila, ma'a al-jahmiya, ma'a al-firaq al-dhalla. Il se trouvera dans une secte, il y en a beaucoup des sectes, il se trouvera dans une des sectes, al-mu'tazila ou bien jahmiya ou bien d'autres sectes égarées. Qala jalla wa ala fa madha ba'da al-haqq illa al-dhalal fa anna tusrafun. Allah dit dans le Coran, dans surat Yunus, surat 10, verset 32. Qu'y a-t-il, au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc, sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Fala buddha anna l'insana ya'rifu l'haqqa awwalan wa ma alayhi salafu l'umma. Donc il faut connaître la voie des pieux prédécesseurs, la voie des compagnons et de ceux qui les ont suivis. لا ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال. Faut pas regarder aux différentes sectes qui sont apparues, différents groupes, ou bien différentes paroles qui ont été inventées. وإنما ينظر إلى شيء واحد وما عليه سلف هذه الأمة. Faut regarder ce sur quoi sont les pieux prédécesseurs. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Donc il dit, l'imam Malik رحمه الله a dit, ne réformera la fin de cette nation que ce qui a réformé le début, son début. Dans la marche, vous avez نقله عنه غير واحد كالشاطبي في الاعتصام وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ولعل الإمام مالك استفاده من شيخه وهب بن كيسان فقد روى ابن عبد البر في التمهيد عن الإمام مالك أنه قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذه هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. Donc en fait dans la marge je dis que l'imam Malik rahimahullah a sans doute pris cette parole là de un de ses professeurs qui s'appelait Wahb ibn Kaysan. C'est-à-dire à la fin de chaque cours il leur disait ça. Il leur disait sachez que la fin de cette nation ne sera réformée que ce à travers quoi le début de cette nation a été réformé. Wallahu jalla wa ala yaqul was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله دي dans sourate 9 verset numéro 100 le sens les tout premiers croyants parmi les émigrés les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement Allah les agrée et il l'agrée. وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث on a vu plein de fois. Traduction approchée. Celui qui vivra parmi vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, celui qui vivra parmi vous verra d'énormes divergences. Attachez-vous à ma sunna, à la sunna de mes califes bien guidés. Et la sunna des califes bien guidés, après moi. Attachez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et attention aux nouveautés, car toute innovation est égarement, tout égarement est voué à l'enfer. Faïd al-tabassat alina al-umur wa kathurat al-di'ayat falhamdulillah. المخرج موجود وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. Donc quand les choses التبست علينا الأمور, c'est-à-dire que le vrai est s'habille avec le tort est s'habille avec le vrai, les choses se mélangent, on n'arrive plus à distinguer. وكثرة الدعايات, et que chacun y prétend avoir la vérité, avoir être sur la droiture, le Coran et la Sunna, etc. الشيخ اللو الله يدي الحمد لله المخرج موجود, l'issue de sortie, la sortie de secours, elle est disponible, qui est le fait de suivre le Coran et la Sunna et ce sur quoi étaient là les pieux, les premiers de cette nation-là. كلٌ يدعي أنه على الكتاب والسنة ما الذي يفرق بيننا وبينهم. Tout le monde prétend être sur le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qui fait la différence? الذي يفرق بيننا هو منهج السلف. La différence, c'est ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما. Donc, la différence, elle est sur le suivi des pieux prédécesseurs, car ce sont eux qui ont emprunté le Coran et la Sunna avec la compréhension bonne. فَنَحْنُ نَتَّبِعُ السَّلَفَ الصَّالِحِ هَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الضَّلَالِ وَالْفِرَقِ الْمُنْحَرِفَ. C'est ce qui fait la différence entre Ahl al-Sunna et les innovateurs. عَمَلًا بِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette nation va se diviser en 73 groupes, tout en enfer sauf une. Ils ont dit c'est qui au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui sont sur ceux sur quoi moi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Al-haqq wadih wa tariq wadih liman talab al-najat. La voie et la vérité sont claires pour celui qui veut l'issue du sauvetage. Wallahu jalla wa ala yaqul fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله دين القرآن سورة 20 versets 123 et 124. Si jamais un guide vient de ma part, vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Les savants du tafsir, ils ont dit ne s'égarera pas ici-bas, il ne sera pas malheureux ni ici-bas ni dans l'au-delà. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قال, l'auteur dit, rahimahullah, il dit, قوله خلافا لما في هذا الكتاب. يعني خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة وليس من كلامه هو. C'est-à-dire celui qui contredit ce livre, c'est-à-dire les fondements qu'il contient dans la conviction, etc. Pas qui contredit le Barbahari, parce que vous avez vu que les ulama, ils ont certains points où ils ont dit qu'il n'y avait pas, qu'ils ne connaissaient pas de preuves à ce sujet, etc. Wa innama fi hadha al-kitab innama huwa min kalam Allah wa kalam rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kalam as-salaf as-salih hadha alladhi fi hadha al-kitab. Ce livre là il est basé sur le Coran, la Sunna et les paroles des pieux prédécesseurs. Qawluhu laysa yadinu lillahi bidin. C'est-à-dire que celui qui contredit ce qu'il y a dans ce livre comme fondement, etc., n'aura pas une religion qui est juste. لأنه على منهج أهل الضلال. Car il sera sur la voie des innovateurs. من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو على منهج الضلال. Celui qui contredit le Coran et la Sunna, et ce sur quoi sont les pieux prédécesseurs, sera sur une voie de perdition. قوله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل لأنه شك في حرف إلا أنه شك في حرف. Tout comme quelqu'un qui croit au Coran en entier, mais il a un doute sur une lettre. لا بد من الإيمان بالكتاب كله. Donc ce ne sera pas acceptable, car il faut croire au livre tout entier. وبالسنة التي كان عليها الرسول وأصحابه كلها. Également la Sunna, il faut la prendre tout entière, la Sunna authentique. أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافر بالجميع. Celui qui croit en une partie du Coran et qui rejette une autre partie, c'est comme s'il aura mécru à tout. كما قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله dit dans le Coran, sourate 85, sourate 2, verset 85, le sens. Croirez-vous donc en une partie du livre et rejetterez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte, c'est-à-dire croient une partie du livre et rejettent une autre partie, ne méritent que l'ignominie dans cette vie, c'est-à-dire l'avilissement, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب. Donc il dit, celui qui ne prend pas du Coran et de la Sunna, il prend que ce qui est conforme avec ce que lui il veut. Il a une conviction bien précise et il cherche à la prouver avec ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Celui-là, il sera comparable aux gens du livre qui ont pris une partie du livre et qui ont rejeté une autre partie. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres? هذه سيرة كفار أهل الكتاب لأنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم. C'est comme ça qu'ils faisaient les gens du livre avant. Ils prennent qu'est-ce qu'ils veulent de leurs prophètes et ils rejettent. وما خالف أهواءهم مما جاءت به الأنبياء فإما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به. L'autre partie, soit ils la démentent, soit ils tuent le prophète. Anbiya bani Israël. À chaque fois qu'il y a un prophète qui vient, qui dit pas des choses qu'ils acceptent. فريقاً يكذبون فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. Une partie dément, une partie il tue. وقد قتلوا من الأنبياء من قتلوا. Ils ont tué beaucoup de prophètes. لأنهم خالفوا أهواءهم. Car ils n'étaient pas conformes avec leurs convictions. وقال تعالى كلما جاءكم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون. سورة المائدة سورة 5 verset 70. À chaque fois qu'un messager vient avec des choses qui ne sont pas conformes à leur passion, une partie ils démentent, une partie ils tuent. هذه طريقتهم. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالف هواه ومنهجه هذا مثل هؤلاء. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, هذه طريقتهم. C'est comme ça qu'ils agissaient. Ils prenaient du Coran et de la Sunna ce qui est en conformité avec leur passion, ce que eux ils veulent. Et ils rejetaient le reste. هذا مثل هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. Prend une partie du livre et une autre partie il la dément. ولا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب لأنه كافر بالجميع. Et ça ne sert à rien parce que c'est comme s'il a rejeté tout le Coran. Celui qui prend une partie du livre et qui rejette une partie du livre, C'est comme s'il a jeté, il a rejeté tout le Coran. قَوْلُهُ فَقَدْ رَدَّ جَمِيعَ مَا قَالَ اللَّهُ وَهُوَ كَافِرٌ. Celui qui prend une partie de ce qu'Allah dit, il rejette une partie, il est mécréant. Et c'est comme s'il a rejeté tout ce qu'Allah a dit. Soutien. Confirme, soutien. Ce qui est en conformité. Ce qui soutient, ce qui est en conformité, etc. Ce qui secourt. نعم قولهم فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر من رد حرفا من القرآن فهو كافر celui qui rejette une lettre du Coran il est mécréant لو مثلا في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد قال قاف هذه ليست من القرآن quelqu'un qui dit par exemple dans la sourate 50 قاف il y a la lettre قاف حروف المقطعة ensuite والقرآن المجيد par le Coran glorieux quelqu'un qui dit قاف c'est pas ça fait pas partie du Coran والقرآن المجيد تكفي Il dit qaf, on l'enlève, on prend juste le Coran et le Majid. Hada, mitl, man qal, qul huwa Allahu ahad, naqul, qul, qul huwa Allahu ahad, fa qala qul, hadhihi laysat min al-Quran. C'est comparable à quelqu'un qui dit qul huwa Allahu ahad, dit Allah, elle dit c'est lui Allah l'unique. Il dit, on dit pas dit, on dit c'est lui Allah l'unique, tout simplement. Et en disant dit, qul, ça fait pas partie du Coran. فهو كافر فهذا كافر celui-là il est mécréant هذه ليست من القرآن فهو كافر والعياذ بالله لأنه رد كلمة من كلام الله أو رد حرفا donc il dit il est mécréant pourquoi bien sûr après qu'il ait su que ça c'est من القرآن d'accord parce que il y a في ما أذكر رواية شاذة il y a une lecture qui est شاذة qui est pas authentique où il y a justement قل qui est pas hein? si quelqu'un il a شبهة c'est pas pareil Mais quelqu'un il sait que c'est du Coran et il l'enlève, il dit on enlève ça parce qu'on n'en a pas besoin. Hada yakfur, sort de l'islam. Ça ne fait pas partie de la Fatiha, al-Qawl al-Sahih, comme on avait vu dans Tafsir Juz Amma, mais c'est un verset indépendant. C'est du Coran, c'est un verset indépendant, mais ça ne fait pas partie de la Fatiha. Mais c'est pour chaque surah que. Il y a un isa' pourquoi parce que surat al-fatiha si tu la lis pas fais salat akbat est là si tu lis pas surat al-fatiha dans ta prière elle est nulle c'est pour ça les savants ils sont penchés sérieusement sur ce point là salat est sahih inshallah quand on a vu ça dans tafsir juz amma hadith tabi hurayra hein n'am bismillah baraka wal isti'ana mais on a vu que hadith sahih muslim hadith qudusi hadith Abu Huraira qasamtu as-salat bayni wa bayn 'abdi nisfayn j'ai coupé la prière entre moi et ma créature en deux et la prière dans ce hadith là c'est al-fatiha fa idha qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin Allah dit dans le hadith qudusi quand mon serviteur dit louange à Allah seigneur de l'univers les savants ils ont dit il a pas dit fa idha qala bismillah ar-rahman ar-rahim donc ça montre que al-basmala C'est pas un verset de l'Fatiha, c'est un verset du Coran, indépendant, mais c'est pas un verset, de l'Fatiha. Je fais nada mufassalan. Revenez à Kalam al-Sheikh dans au début de tafsir al-Fatiha, vous trouverez ça, inshallah. طيب. قوله كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. Comme شهادة أن لا إله إلا الله ne sera accepté de son auteur que s'il a une intention véridique et qu'il a la certitude, la sincérité dans sa certitude. La ilaha illallah hiya kalimatul ikhlas wa kalimatul taqwa wal urwatul wuthqa wa miftahul janna. Lakin la tanfa'u sahibaha illa bi sab'ati shurut aw thamaniyah nazamaha al ulama bi qawlihim. Donc il dit kalimatul taqwa, la ilaha illallah, c'est la parole de la piété, c'est l'anse la plus solide. C'est la porte, la clé du paradis. C'est beaucoup de phrases. Min ajliha, juridat suyuf al-jihad, min ajliha, uqim al-mizan, min ajliha, qam al-souq al-jannati wal-nar. À cause de cette parole-là, Allah il a créé les créatures, etc. Donc, bu'atat al-rusul, wa rusilat al-kutub, etc. لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط. Celui qui dit la ilaha illallah, cette parole-là ne lui sera profitable que s'il a réuni sept conditions, ou bien huit. Certains savants ont fait un vers poétique pour que ce soit plus facile à retenir. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadi wal qabuli laha. Science, certitude, avec sincérité et véracité, tout en aimant et se soumettant et en acceptant celle-ci. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadi wal qabuli laha. Al-Hakimi rahimahullah dans Sulam al-Wusul dit: من قالها معتقدا معناها لا إله إلا الله. من قالها معتقدا معناها. Celui qui dit cette parole avec la conviction de cette parole-là, il a la conviction dans son cœur. وكان عاملا بمقتضاها et qu'il applique en conséquence. في القول والفعل ومات مؤمنا. Dans sa parole et dans ses actes et qu'il meurt croyant. يبعث يوم الحشر ناج آمنا. Il sera ressuscité le jour de la résurrection. Il sera sauvé. Il sera sauvé et il sera en état de sécurité. فإن المعنى الذي دلت عليه يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. Ensuite il dit وبشروط سبعة قد قيدت. Voilà les sept conditions qu'il a cité الشيخ ici qu'on va voir. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول. العلم واليقين والقبول والانقياد فكات فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. C'est cette condition qu'on va voir ici. Il dit هذه السبعة شروط. Cheikh Abd al-Razzaq في شرح المنظومة quand il a ramené l'abiyat hadou, il a dit jazallahu al-Sheikh, qu'Allah récompense le Sheikh. Non seulement il t'apprend, mais en plus il invoque en ta faveur. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Il te fait une invocation à la fin. Il dit وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها قد ألها. C'est-à-dire les savants qui ont rajouté huitième condition, sinon les autres ils l'ont mis dans le pilier, c'est-à-dire ça revient à la même chose. Le fait la ilaha illallah, ça comprend deux choses: de mécroire en toutes les divinités en dehors d'Allah et d'affirmer que Allah c'est le seul qui mérite l'adoration. Donc il dit man akhalla bi shartin minha lam tanfa'hu la ilaha illallah. Shart al-awwal al-ilmu bi ma'naha wa dadduhu al-jahl bi ma'naha. Première condition, c'est quoi? Al-ilmu. Connaître cette parole. Comment tu veux croire à une parole que tu ne connais pas? Mustahil, c'est impossible. Al-ilmu bi ma'naha wa dadduhu al-jahl. Donc il faut connaître cette parole la ilaha illallah et son contraire c'est le fait de l'ignorer. الشرط الثاني اليقين بما دلت عليه وضده الشك. La deuxième condition qui est le fait d'avoir certitude sur ces paroles là. Amma, s'il y a quelqu'un qui utilise le verset dans le Baqara, الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم, les savants ils ont dit que الظن يأتي ويراد به اليقين. الظن, penser, ça vient dans le Coran et dans le Sunna, et ce qui est voulu c'est la certitude, et ce n'est pas penser en ayant un doute. Parce que dans le verset Allah dit الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Ceux qui pensent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Quelqu'un il peut dire donc il n'a pas la certitude qu'il va rencontrer son Seigneur. Là فَسَّرُوهُ الْعُلَمَا بِالْيَقِينَ. Ceux qui ont la certitude, ils n'ont pas de doute qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. نعم اليقين. الشرط الثالث الإخلاص وضده الشرك بالله. La troisième condition c'est la sincérité, le fait d'être sincère et de ne pas vouer ça à Allah et à autre que lui, le fait d'être sincère que envers Allah seul. الشرط الرابع الصدق وضده الكذب والتكذيب بما تدل عليه. الشرط الرابع c'est le fait d'être véridique dans cette parole là et son contraire qui est le fait d'être mensonger ou bien de démentir ce que cette parole elle prouve et ce qu'elle engendre. الشرط الخامس المحبة لما تدل عليه من التوحيد وضده بغض ما تدل عليه. Le fait d'aimer cette parole-là, d'aimer ce qu'elle engendre, c'est-à-dire d'aimer les adeptes de l'unicité et ne pas dire la ilaha illallah, et après tu détestes les musulmans, tu détestes les gens qui prêchent au tawhid, etc. الشرط السادس, sixième condition, الانقياد لما تدل عليه, c'est-à-dire le fait de se soumettre. وضده الاعراض عما تدل عليه. La ilaha illallah, c'est pas dans le cœur seulement et la langue, C'est dans le cœur, la langue et les membres. Donc, elle va engendrer des obligations qu'il faudra faire, des interdits qu'il faudra délaisser. الشرط السابع القبول لما تدل عليه وضده الرفض لما تدل عليه. Septième condition, c'est accepter cette parole et son contraire, c'est le fait de la refuser. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل وضده عدم الكفر به. Donc, mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah et son contraire, c'est le fait de mécroire justement en Allah ou bien de mécroire en cette parole, etc. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, Faqahullah, هذه ثمانية شروط لا بد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله. Voilà 8 conditions, 7 ou 8. Il faut impérativement qu'elles se réunissent chez la personne qui la prononce. La ilaha illallah. فليست كلمة تقال باللسان فقط. C'est pas qu'une parole que tu prononces avec la langue. فلا إله إلا الله لها أركان ولها شروط وأركانها ركنان. Deux piliers. الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. إثبات. Premier pilier, c'est la négation. لا إله. Et la deuxième, c'est l'إثبات. Ou le deuxième pilier, c'est l'affirmation. فلا ينفع النفي بدون إثبات ولا ينفع الإثبات بدون نفي. فلو قلت الله إله ما كفى هذا ولو قلت لا إله هذا نفي فقط. Si tu affirmes que Allah c'est une divinité, ça ne veut pas dire que tu ne dis pas qu'il y a d'autres divinités. Et si tu dis il n'y a pas de divinité, tu n'as pas affirmé à Allah que c'est une divinité. Donc, il faut les deux ensemble. لِيَنَّكَ جَحَدْتَ الْآلِهَا نِهَائِيًا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ الْآلِهَا نِهَائِيًا مَعْنَاهَا لَيْسَ فِي الْكَوْنِ إِلَهَ أَمَّا الصُّفِيَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ الله الله أو هو هو هذا كلام باطل وهذيان. Donc il dit, les soufis qui disent Allah, Allah, ils font que de répéter Allah, Allah, Allah, Allah, ou bien hu, hu, hu, hu. Ils disent ça, c'est des paroles qui sont vaines. Hadayan, hadayan, c'est la'ib. Le hadayan, c'est-à-dire quelqu'un en train de jouer, il n'est pas en train de faire du dhikr. C'est quelque chose sans valeur. Wala yufidu shay'an, fala budda min qawli la ilaha illallah, fannafi wal ithbat, wa huwa ma'na qawlihi ta'ala, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Après le verset du repose-pied, Ayat al-Kursi, celui qui mécroit au Tarut, toute divinité adorée en dehors d'Allah, et qui croit en Allah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ هَذَا النَّفِي وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ هَذَا الْإِثْبَاتِ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ بَعْضٍ كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ وَتَرْكِ بَعْضِهِ وَلَوْ آيَةً أَوْ حَرْفًا فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ لَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِهَا إِلَّا إِذَا آمَنَ بِهَا جَمِيعًا. Donc il dit, le Coran et la Sunna c'est indissociable. Et le Coran et la Sunna, tu ne peux pas croire en une partie du Coran et rejeter une partie. Ou bien croire en une partie de la Sunna et rejeter une partie. فَلَا يَجْحَدُ شَيْئًا مِمَّا صَحَّنِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمُ يَنَّ هَذَا مُقْتَضَ شَهَدَتْ يَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ. Donc il dit, tu ne dois pas rejeter ou renier quelque chose qui est rapporté authentiquement. شَيْ صَحَّنِ الرَّسُولُ. Car le Coran il est mutawatir. Le Coran, on n'a pas de doute sur n'importe quelle lettre du Coran. Mais la Sunna du messager, est-ce qui est authentique et ce qui est inventé ou faible. Donc il dit, ce qui est authentique, tu n'as pas le droit de rejeter quoi que ce soit. Car c'est ce qui engendre, quand tu dis, je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, ça engendre quoi ? أن تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه. Que tu appliques sa sunna, que tu lui obéisses, que tu délaisses ce qui t'a interdit. هذا من مقتضى شهادتي أنه رسول الله. أما لو شهد أنه رسول الله ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الأحاديث أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة لأنها لا توافق هواه أو لا تنطبق على منهجه فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم. Celui qui rejette des hadiths du messager parce qu'ils ne sont pas conformes avec sa passion, elles ne sont pas conformes avec ce qu'il veut faire, avec sa voix, avec sa méthodologie, celui-là a mécru au messager. فهو من الذين قال الله فيهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Celui-là, il est conforme avec la parole d'Allah. À chaque fois qu'un messager vient avec quelque chose qui n'est pas conforme à leur passion, une partie il démente, une partie il tue. فَلَا بُدَّ أَن تُؤْمِنَ بِجَمِيعِ السُّنَّةِ مَا يُوَافِقُ هَوَاكَ وَمَا يُخَالِفُ هَوَاكَ مَا يُوَافِقُ مَنْهَجَكَ وَمَا يُخَالِفُ مَنْهَجَكَ وَيَجِبُ أَن تُؤَسِّسَ مَنْهَجَكَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا تُؤَسِّسَهُ عَلَى الْهَوَى أَوْ عَلَى قَوْلِ فُلَانٍ أَوْ عَلَى نِظَامِ الْحِزْبِ أَوْ الْجَمَاعَةِ الْفُلَانِيَّةِ لَا تُؤَسِّسُ عَلَى ذَلِكَ أَسِّسُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَنْهَجَ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Donc il dit, il faut que tu prennes du messager ce qu'il te donne, ce qui est conforme à ta passion, ce qui n'est pas conforme, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Car c'est comme ça que font Ahl Sunna. Ils fondent leur religion sur le Coran et la Sunna, les paroles du messager, etc. Pas sur la volonté d'un tel, ou bien la passion d'un tel, ou bien sur telle secte, ou tel groupe, ou tel parti politique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le Coran et la Sunna, la voix des pieux prédécesseurs. قوله ومن رد من السنة شيئا مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الأحاد يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد ويأتون بقواعد المنطق وعلم الكلام يقولون لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين لأنه براهين عقلية وأما كلام الرسول إذا كان خبر أحاد فإنه لا يفيد اليقين والحديث لا يفيد اليقين عندهم ولو كان في الصحيحين هذا ضلال والعياذ بالله. Donc il dit le Mu'tazila par exemple, Mu'tazila qui est une secte qui est apparue au deuxième siècle de l'Égypte, il dit, ouais, ulama al-kalam, les philosophes, etc. Ils disent, ils n'acceptent pas les hadiths ahad. Hadith ahad, en résumé, c'est quoi? C'est, les hadiths se décomposent en deux. Il y a des hadiths ahad et les hadiths mutawatir. Hadith mutawatir, c'est ceux qui ont atteint un certain degré de propagation qui font que c'est sûr qu'ils sont, et ils se sont tellement propagés que les gens ne peuvent pas se réunir pour inventer un mensonge pareil. Tout ce qui n'a pas atteint ce degré-là, c'est ce qu'on appelle les hadiths ahad. La grande partie de la sunna, peut-être 80% ou plus même, ce sont des hadiths ahad. C'est-à-dire ce sont des hadiths qui ne se sont pas énormément propagés dans chaque génération. Et le muhim, ils disent que ces hadiths ahad ne sont pas certains. C'est des hadiths qui sont, on pense que, mais c'est pas sûr à 100%. Ça, c'est le Mu'tazila qui dit ça. Et ils disent, on n'utilise pas ça dans l'aqidah. Les hadiths qui sont comme ça, on ne les utilise pas dans l'aqidah. Et eux, ils utilisent plutôt des règles de logique ou des règles de philosophie. Et ils disent, ces règles-là sont des preuves raisonnables qui sont tirées de la raison et qui sont certaines. Et ils disent, les paroles du messager, si elles ne sont pas mutawatir, c'est-à-dire si ce sont des hadiths ahad, ce ne sont pas des paroles qui sont certaines à 100%. Même, ils disent, même si le hadith il est chez le Bukhari dans le Sahih, ou bien chez l'imam muslim dans son recueil authentique al-Sahih. Et le Cheikh dit, ça c'est une idéologie qui est fausse et qui est mauvaise. Ma sahha an al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, fa'innahu yufidu l'ilm wa yufidu l'yaqin. Ce qui est rapporté authentiquement, Ahl al-Sunnah, c'est quoi leur conviction? Ce qui est rapporté authentiquement, c'est certain et c'est une science. Liyannahu kalamun min la, liyannahu kalamu man la. Pourquoi? Car ce sont les paroles de celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est une révélation qui lui est révélée. Donc il dit, ça, Cheikh dit que c'est la voix de ceux qui ont démenti une partie de la révélation. Et c'est une voix de dégarement et qu'il ne faut pas prendre en considération. قوله فقد رد السنة كلها ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها. Même s'il a accepté une partie de la sunna, il a rejeté une partie, ça ne lui sera pas profitable jusqu'à ce qu'il accepte la partie qu'il a refusée. قوله فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. Donc il dit, Cheikh dit, l'imam al-Barbahari dit, accepte et arrête la polémique. المماحلة المجادلة. Donc المماحلة, il dit, c'est la polémique. Donc l'ajaja, il dit, c'est le fait de parler à tort et à travers. Il n'y a pas de ta'il, il n'y a pas de profit derrière, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'avancement. Faites que tu élèves la voix, que la personne avec qui tu es en train de débattre, pour prendre le dessus, ça ne sert à rien. Parle avec science ou bien tais-toi. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ الْجِدَالُ بِالْبَاطِلِ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللَّهِ. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. Donc il dit, le fait de débattre à tort et à travers, ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Dans le sens d'un verset, Allah il dit dans surat 40, verset numéro 4, le sens, ne discute ou ne dispute à propos des signes d'Allah que ceux qui ont mécru. يجادلون فيها هل هذه من عند الله أو ليست من عند الله. Ça vient d'Allah, est-ce que ça vient pas d'Allah? هل القرآن كلام الله ولا هل هو منزل أو مخلوق. Tout ça, ça fait partie du fait de parler à tort et à travers sans profit derrière. Et c'est que débat et élever les voix, etc. Il n'y a pas de profit derrière. Il termine en disant قوله وزمانك خاص زمان سوء فاتق الله. Al-Barbahari rahmatullahi alayhi, ton époque, il dit ton époque, j'ai dit les mois en 329, il dit ton époque est une époque de mauvaise, d'une manière plus spécifique. Donc crains Allah. هذا في وقت المؤلف فكيف بما بعده من الأزمنة. Que dire alors de l'an 400, 500, 600, 700 où il y a eu des têtes d'innovation qui sont apparues, qui ont propagé le bid'a. Al-fitnatu ashad wa kana zamanuhu ala ma fihi min al-fitan fihi ulama. Al-Barbahari rahmatullahi alayhi min ulama Baghdad. Parmi les savants de Bagdad. Et vous voyez bien dans les biographies qu'il y avait énormément de savants à Bagdad. Donc le cheikh dit, son époque, c'est vrai, il y avait des fitnes. Justement, il y avait le fitnat à Khalq al-Qur'an, al-Jahmiya, al-Mu'tazila, tout ça. Mais il dit, il y avait des ulama. Il y avait beaucoup de ulama. Lakin kullama ta'akhkhara az-zaman qalla al-ulama. Donc il dit, plus le temps il avance, moins il y a de ulama. Wa kathura ash-sharr. Et le mal, il prend du terrain. Donc il dit à la fin des temps, ou à notre époque à nous, c'est encore plus à prendre en considération cette mise en garde de l'auteur, etc. Quelqu'un veut dire quelque chose? Quelqu'un veut demander quelque chose ou dire quelque chose? Football. Rien. Vous avez trop faim, c'est pour ça. أضمئ نهارك تروى في دار العلا يوما يطول تلهف العطشاني قحطاني رحمه الله يدي جن يدي passe tes journées dans la soif tu seras abreuvé le jour de la résurrection un jour où les gens vont être très assoiffés parce que vous savez que le soleil va être approché أسأل الله أن يكون في ظل العرش في هذا اليوم العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك